Le shiour aujourd'hui est sur la paracha de Chayei Sarah et on est le 19 Khej 25774 et on est le 22 octobre 2013. Et les secours est pour les Lunishma de Rosalie Bat Urida et de la Rifua Shelema de Nissim Ben Zaken. J'étais là la semaine dernière. Oui. Je vais te poser une question. C'était à Akida d'Ishak la semaine dernière. C'est ça, Oui. Moi, je n'étais pas ici encore. Oui, la semaine passée, c'était à Akida d'Ishak. Exact. Oui. Et je voulais savoir, oui, qui c'est qui avait le grand mérite? Est-ce que c'est Abraham ou Ishak? C'est les deux. Les deux. Les deux, parce que Ishak, il avait 37 ans. Oui. Hein? Yitzhak, il avait 37 ans. Voilà. Mais le mérite de prendre son fils et l'amener, ouais, et pour le danger. Qui c'est qui le plus? C'est Yitzhak qui faisait rien du tout, qui disait rien. Et Abraham qui est battu sans fils. Mais le Nisayon. Oh, David, ça va? Son père, il est pas encore venu. Il arrive, il est là, je pense. Il est en Europe, non? En Europe de descente. L'épreuve elle-même, c'était l'épreuve de la Akeda, c'était Abraham qui l'avait. C'est lui qui a surmonté l'épreuve. C'était pas Yitzhak. Mais le mérite. Mais Yitzhak aussi. Yitzhak, c'est Abraham. C'est Abraham. D'ailleurs, on trouve nulle part que le Nisayon de la Akeda, c'était celle-là de Yitzhak. Yitzhak aussi, il avait le Sroud. Parce qu'il a dit que voilà, je me laisse faire. Il a vu que son père, il allait l'égorger. Il allait lui faire la shrita, son père. Mais il a fait la shrita. Oui, on dit qu'il a fait un petit peu la shrita. Oui, un peu. Il a fait. Ta fat d'âme, oui, il a fait un petit peu. Il a fait la shrita. Mais il s'est laissé faire. Alors le mérite va plus aussi sur Abraham. Bien sûr, certainement. Ah, dans oui, bien sûr. Abraham. Les 10 épreuves, c'est les 10 épreuves d'Abraham, pas les 10 épreuves de Yitzhak. Je sens tes copains. Oui, Gérard. Il va arriver, Gérard. Mais parce que salut, comment tu vas, frérot? C'est gentil, merci, ça va? Salut, merci. Le jeune qui était là la dernière fois, il va se marier demain soir. Ah oui, oui. Bon, on lève à son verre, les Chaïmas. Ah voilà, Gérard, à mon truc. Il a dit que le Gérard était en santé. Allez, va se sentir. Bon, je vais faire juste un petit peu la paracha en bref, vraiment bref, comme ça on sait un petit peu ce qui se passe dans la paracha. La paracha, elle commence avec le décès de Sarah. La vie de Sarah, elle est décédée à l'âge de 127 ans. Bon, Abraham, très intéressant. Ce matin, je me demandais une question. Pourquoi est-ce qu'Abraham, il a trouvé la Marat Amarpella tellement spéciale? Qu'est-ce qu'il y avait de spécial là-bas? Je n'ai jamais demandé cette question. Oui. Vraiment, ce matin, je me suis demandé, est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Abraham, pourquoi à l'âge de... Pourquoi il cherchait la Marat Amarpella? Qu'est-ce qu'il y avait de spécial? Il y avait sûrement des places beaucoup plus hautes. Même le Midrash, il explique que la Marat Amarpella, c'est des Ephron qu'il a acheté de Ephron. Il était tout petit. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien de spécial là-bas. Pourquoi il voulait Dafka la Marat Amarpella? Bon, en tout cas, alors, excusez-moi, mais qui c'est qui a enterré là-bas déjà, avant Sarah? Ah oui. Qui c'est qui a enterré? Alors, Ève. Adam et Ève étaient enterrés déjà là? Oui. Ah, c'est peut-être pour ça alors qu'il a trouvé qu'est-ce qu'il était. Mais comment on sait qu'il savait qu'ils étaient là-bas? C'est pas rapporté, c'est une bonne réponse. Ben, il était de la génération des Noirs. Et donc, Noirs, t'es pas loin. Mais c'est pas rapporté nulle part qu'on savait où est-ce qu'ils étaient enterrés, Adam et Ève. On savait pas. Comment il savait, lui? Comment est-ce qu'Abraham, il savait qu'ils étaient enterrés là-bas? Ben non, il était connecté, c'est Nachama. Alors moi j'ai vu Ashgara Pratit, j'ai lu un Zohar ce soir qui parle de ça. Le Zohar il rapporte que Abraham, le troisième jour de sa Brit Mila, vous voyez, c'est le jour qu'aussi les Malachim sont venus, et, vous voyez, le troisième jour, il est rentré dans cette Marat Amarpella. Et quand il est rentré dans le Marat Arpila, il a vu deux Tsionim. Il a vu deux. Il n'était pas dans cette région. Hein? Quand il a fait la brite, il n'était pas à Oster. Mamre. Non, ouais. Il n'était pas là-bas, il était dans une autre région. Alors comment il a fait? Il a fait Kfitsat Ader. Oui, Kfitsat Ader à l'Ozoraj. C'est comme on explique que... Kfitsat Ader, il avait... son trajet a été raccourci. Raccourcissement de trajet. Raccourcissement de trajet, comme Eliezer. Comme Eliezer dans cette paracha, Eliezer est parti de la maison d'Avram, il arrivait au même jour, il arrivait dans la maison de Lavan. Il avait un raccourcissement de trajet. Ils ont fait un miracle, Hachem lui a fait un miracle. Comme ça, il arrive vite. C'est comme ça qu'on peut expliquer. Bon, le Zohar, il ne donne pas la raison pour comment est-ce qu'il était dans cette place, mais le Zohar rapporte qu'il était là-bas, il est rentré dans la Rade Marpella, il a vu deux tombes. Sur le temple, il n'y avait pas de nom, il n'y avait rien, mais il a vu l'image, le Zohar il dit qu'il a vu l'aneshama de Adam. Il a vu l'aneshama de Adam qui était sur la tombe, qui flottait sur la tombe, et il a reconnu que c'était Abraham, et c'était Adam, et tout de suite il a su que c'était, oui, il a vu l'aneshama de Adam, et il a vu qu'il y avait toujours une lumière en dehors de la tombe de Chava. Alors il a tout de suite su que c'était Adam et Chava qui se sont enterrés là-bas. Et de ce point-là, il a toujours voulu acheter ce terrain. Il voulait toujours. Le Zohar, il explique aussi après que le Nes, qui lui est le grand miracle qu'il avait, c'est que le Zohar, il rapporte que chaque personne, avant le temps du décès, il voit l'image de Adam Arishon. Juste au moment avant qu'il parle de ce monde. Il voit l'image d'Adam Arishon. Il y a beaucoup d'histoires qui racontent que les tzadikim, avant qu'ils sont mistalek de ce monde, qu'ils parlent de ce monde, ils voient juste des rayons de Dieu. Tout, ils voient que Hachem dans le monde. Ils ne voient même pas les choses physiques. Alors le grand miracle, c'est que Avraham, en vérité, il aurait dû, parce que le seul temps quand la neshama de Adam se révèle, c'est au moment que la personne va mourir. Et le miracle qu'Avram il avait, qu'il n'est pas mort. Il a vu Adam et quand même il n'est pas décédé. Il n'est pas mort. Et depuis ce temps-là, il a décidé que lui, il allait acheter cette Maharam. Mais là, il était très attaché. Le problème, on dit que c'est bien d'acheter avant. Pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas acheté avant? Il a attendu qu'elle décède pour l'acheter. Il aurait pu l'acheter avant. C'est une très bonne question, c'est ça qu'est-ce qu'on va parler maintenant. Ben, votre question elle est un peu reliée avec ce qu'on va parler parce que les mefarshim, les commentaires, ils commentent est-ce que le décès de Sarah, c'était inattendu complètement. C'était inattendu. Alors, il n'avait pas prévu, il ne savait pas. D'ailleurs, Avraham, à cause de sa anava, il pensait que Sarah, elle allait vivre beaucoup plus longtemps que lui. Parce qu'on trouve que dans certains midrashim, on trouve quand même Rashi le rapport que à Sarah, elle était encore plus grande qu'Abraham quand c'est venu à la prophétie au moins. La névoie, elle était plus grande. Alors, en vérité, Sarah, elle aurait dû vivre beaucoup plus longtemps qu'Abraham. Mais depuis la faute d'Adam Rishon, on devait vivre juste 120 ans. Comment ça se fait qu'ils ont dépassé 120 ans? Hein? Après la faute d'Adam Rishon, la vie, elle devait s'arrêter après 120 ans. C'était pas une zéra sur le tzadikim. Après Adam Arishon, mais tout est là. Oui, mais pourquoi? C'est après Noir. Mais c'était pas un décret sur les tzadikim. Ah, juste sur les. La plupart des tzadikim, on voit que. Mais Avraham, à l'âge de 175 ans, et Sarah, à 127 ans, etc. Alors, ça, c'est concernant ce Zohar. Maintenant, la paracha continue que Avraham, il achète Ephron. Le terrain, Ephron lui demande une somme d'argent et lui dit oui, prends-le gratuitement. À la fin, quand ça vient pour payer, il lui demande une somme énorme. Donc, Marat en dit que même les pièces qu'il lui a demandées, il voulait que les pièces soient bien, ils n'ont pas endommagé parce que dans le temps, c'était des pièces d'or ou des pièces d'argent. Alors quand il y avait c'était endommagé un petit peu, il avait moins de valeur, vraiment, il voulait toute la somme. Avraham, il est prêt à payer, il achète le terrain. Après qu'il achète le terrain, il enterre Sarah. tout de suite après, il demande à Eliezer de trouver une femme pour son fils. Et il envoie Eliezer, il le fait jurer qu'il n'allait pas prendre une fille de, pas des filles de Kenaan, et il envoie Eliezer à la maison. Hein? Eliezer, c'était le fils de qui? Eliezer, c'était son servant. C'était le servant d'Abraham. Un Syrien. Oui, c'était un Syrien. Un Syrien. C'était en Syrie. Damas, c'est qu'Eliezer. Damascus. Damascus. Alors bon, Eliezer, il fait son travail comme il faut. Il va à la maison d'Abraham. Il trouve Rivka. Elle lui donne à boire. Tout de suite, il dit que c'était un signe de Hachem. Hachem lui a envoyé déjà la fille que Isaac il allait se marier avec elle. Il va voir Lavan, etc. Il se parle. Lavan veut empêcher Rivka d'aller. Il demande à Rivka si elle veut aller. Rivka, elle dit oui, j'irai, même si tu ne me laisses pas aller. Les forces me disent que Rivka, quand il lui a demandé est-ce que tu veux aller avec ce monsieur, elle a dit même si vous ne me laissez pas aller, je vais aller par force. Parce que Rivka, elle voulait aller tout de suite. Bon, Rivka, elle est partie avec Eliezer. Elle retourne et voit Yitzhak dans le champ. Yitzhak, il se trouve dans le champ. Rivka elle demande à Eliezer c'est qui ce monsieur, il lui dit ça c'est mon maître Yitzhak, etc. Patita Atef, elle se couvre le visage et c'est ça la fin de la paracha plus ou moins. Alors, on trouve une question très intéressante, ça commence vraiment une histoire. La Gemara elle dit à Hash Berosho et à Sok Batora, à Hash Beshéno et à Sok Batora. La Gemara, elle dit plusieurs choses. Si quelqu'un a mal à la tête, sa refoua, c'est d'étudier la Torah. S'il a mal aux dents, étudie la Torah. S'il a mal aux pieds, étudie la Torah. S'il a mal n'importe quoi. La Gemara, elle reprend plusieurs choses. Une personne, elle a mal, elle devrait étudier la Torah. Et la Gemara, elle dit, c'est la refoua de la personne, c'est la Torah. Comme on dit, c'est ça. On trouve une histoire très intéressante dans la Gemara de Hagiga concernant un petit peu avec la vie et la mort. Et la Gemara, elle rapporte une histoire avec Rav Yosef. Bon, la Gemara, elle rapporte plusieurs versets que les Tanaïm, quand ils sont arrivés à un certain verset, ils se sont mis à pleurer. C'est-à-dire qu'il y avait des Chachamim, ils étaient assis en train d'étudier le Tanakh, et chacun d'entre eux, à son temps de limoud, à son temps d'étude, il a lu un verset, il s'est mis à pleurer. La Gemara, elle raconte plusieurs Tanaïm, chacun à son tour. Rav Yosef, la Gemara, elle dit, quand il arrivait au verset « Veyesh nispa » Belo Mishpat. Il y a une personne qui peut mourir sans justice. Alors comment elle demande, comment est-ce que Hachem, c'est Hachem qui décide qui va mourir, qui ne va pas mourir, etc. Comment est-ce qu'une personne peut mourir sans justice, Ras Shalom? Al-Mara continue et dit, oui, on peut trouver un cas que Hachem, il peut prendre quelqu'un de ce monde sans justice. Les mishpat. Comment? Alors, elle raconte une histoire avec Rav Bibi Bar Abaye, le fils de Abaye, qu'il était assis, il était assis avec le Malach HaMavet. Ils étaient assis ensemble, ils discutaient les deux. Et le Malach HaMavet, il a envoyé d'amener une femme qui s'appelait Myriam. Cette Myriam, c'était une coiffeuse. Le Tosfot, il dit que Myriam... Cette Myriam, c'était la mère de Jésus. Myriam, elle s'appelait Maria. Le Tosfot, il dit tout de suite, cette histoire, c'est Myriam, la mère de Jésus, c'était une coiffeuse. Et le Malach HaMavet, il a envoyé un de ses messagers pour prendre la neshama de cette Myriam. Bon, il va et il revient avec une Myriam, mais ce n'était pas la bonne. Il a ramené une autre Myriam, Megadel Dardaki. C'était une prof de garderie, quoi. Pas une coiffeuse. Il s'est trompé. Le chaliar de Malach Amavet. Le Malach Amavet, il s'assoit avec Rabibi. Il regarde, il lui dit, mais tu as amené la mauvaise. C'est pas cette Myriam. J'ai demandé Myriam à sa parite. Myriam, la coiffeuse, je t'ai demandé d'amener. Il dit, je me suis trompé. Est-ce que ce que je fais maintenant, est-ce que je la ramène? Il lui dit, tu sais quoi, elle est déjà ici. Laisse-la ici et va chercher l'autre. Bon, alors, Bibi, il est là-bas, il se demande, qu'est-ce qui se passe ici? C'est un jeu. Il lui dit, mais est-ce que vous avez... Comment tu fais ça? Cette Myriam, tu l'as amenée ici et tu décides de la laisser ici, c'est... Et l'autre, tu vas aller la chercher. Comment est-ce que tu vas la tuer? L'autre. Il lui dit, on va trouver comment. Il lui dit, qu'est-ce qui va arriver? On va attendre qu'elle va utiliser un fer à repasser ou elle va allumer une lumière ou quelque chose comme ça. Et on va lui causer de mourir. Parce que Bibi, il se demandait, Rabibi, il se demandait, s'il n'y a pas le temps de la personne de mourir, chaque personne... Elle a un temps. Hachem a décidé que cette personne, elle allait mourir. Elle ne peut pas mourir avant, elle ne peut pas mourir après. Comment est-ce que tu... Maintenant, cette femme, tu l'as pris avant son temps. Comment est-ce que tu vas amener l'autre femme maintenant? Il y a chaque dor, Hachem lui donne, chaque génération, elle a un temps d'années pour chaque génération. Maintenant que tu as pris cette femme avant son temps, il y aura des années en plus de chaque génération. Qu'est-ce que Hachem va faire avec ces années? Comment est-ce que vous faites? C'est quoi le compte ici? Quel genre de compte vous faites? Puis ne t'en fais pas, on va prendre cette Myriam. Et en vérité, c'est que la Gemara raconte qu'elle a touché quelque chose, elle est tombée sur elle une bougie, elle a brûlé, etc. Ils lui ont causé de mourir. Ils ne sont pas partis la prendre directement, mais ils ont fait quelque chose pour qu'elle aura un accident. Alors, Rabbi lui demande, mais à la fin de la journée, vous en aurez plus, des années de plus. Qu'est-ce que vous allez faire avec ces années? Alors, il lui dit, hein? Alors, c'est dingue, les deux Myriam sont partis. Maintenant, cette Myriam qui est partie avant 100 ans, l'erreur qu'il avait fait, ce chaliar, il n'était pas comme Eliezer, c'était pas un bon chaliar, il a fait une erreur. Franchement, c'est une grande question, comment est-ce qu'un chaliar, le chaliar du Malach HaMavet, c'était un ange, comment il peut faire une erreur? Bon, il a fait l'erreur. Alors, le Malach HaMavet lui dit, les années que ont été prises de cette Myriam, on va le donner à une personne qui étudie la Torah. Personne qui a un ave, qui est humble, et qui étudie la Torah, on va lui donner des années. On va voir, Hachem, il va voir que cette personne, c'est une personne humble, c'est un anave, il étudie la Torah, c'est un bon juif, on va lui donner des années. Ces années-là, on va lui ajouter. Comme l'histoire avec qu'on sait avec Cheskiyahu. Bon, on avait parlé de cette histoire, on ne va pas la raconter encore. Mais Cheskiyahu, il a eu des années de plus parce qu'il avait prié à Hachem, etc. Et le compte, il va tomber exact. Les autres années qu'il y aura de plus, il va la voir cet Amit Racham, cette personne qui étudie la Torah et qui est un homme. Mais maintenant, la question, elle est, cette personne-là qui est mort avant 100 ans, elle peut avoir une très bonne question. Mais si, elle peut dire, peut-être moi j'ai pas bien fait dans ma vie ou je ne sais pas quoi. Mais les autres années qu'on m'a pris, j'aurais pu faire quelque chose de bien. Tchouva. J'aurais pu faire tchouva. J'aurais fait plus de mitzvot. Comment est-ce que Hachem, ça veut dire, même si cette personne c'était une bonne personne, il va aller au Gan Eden. Mais il y a, dans le Gan Eden lui-même, il y a plusieurs niveaux. Il aurait pu aller à un autre niveau. Comme la Gemara dit, les tzadikim, ils vont de niveau en niveau, etc. Pourquoi est-ce que Pourquoi est-ce qu'Hachem, comment est-ce qu'Hachem il récompense cette personne qu'on lui a pris des années de sa vie et on lui a donné à quelqu'un d'autre, comme dans l'histoire de Rabibi. Alors, les Mefarshim, ils expliquent qu'en vérité, les années sont. Les années, Hachem va le récompenser en lui donnant le sroot de la Torah que cette personne. Les années, on va dire, il lui a pris 10 ans, il lui a donné 5 ans. Alors, à cette personne que Hachem a donné ces années-là, cette personne-là, en étant jeune, elle va étudier la Torah, elle va faire des mitzvot, et la moitié de ce sroot va aller à cette personne. Alors, ça veut il dire que c'est. Partenaire sur les mitzvot. Il devient partenaire sur les mitzvot. C'est pour ça, d'ailleurs, la Gemara, elle dit. Ça doit être quelqu'un d'être qui soit humble. C'est pour ça que des fois on dit moi je peux pas étudier mais je vais donner une je vais payer quelqu'un qui va étudier pour moi. C'est vrai. C'est ça l'accord de Sakhar Zevulun. Je pensais que le Malacham Mavet, celui qui le voyait mourait. Parce qu'à l'époque tout le monde le voyait, celui qui le voyait, il allait chercher X mais il y avait Y Z qui tombait en route parce qu'il le regardait. Ça, là. Il y avait. C'était. On dirait que c'était quelque chose de banal dans ce temps-là. On voyait le Malacham. Comme dans l'histoire avec Shlomo HaMelech. Oui, Shlomo HaMelech, avec les Shedim. Il voyait. C'était quelque chose de très commun de voir les Ruchot et les Shedim qui se trouvaient. Alors, c'est pour ça, la Gemara, elle explique. C'est pour ça qu'on trouvait que cette personne, à cette personne qu'on lui a donné les autres années, il devait être humble. Parce qu'il faut, il faut savoir qui c'est la personne, qu'elle est d'accord de partager, même s'il ne le sait pas. Mais s'il aurait su que cette personne, Chas v'Shalom, elle est morte et on lui a donné les années de cette personne, il serait d'accord de lui donner la moitié de son sroud. C'est pour ça qu'il faut avoir ces deux caractères. Il faut que c'est une personne qui étudie la Torah, qu'il aura des srouyotes. Et il faut que cette personne aussi. Et soit humble, comme ça qu'on sache qu'il est prêt à donner la moitié de ses sruyot, la moitié de son sruyot de l'imou de la Torah à cette personne. Bon, qu'est-ce que ça a à voir ici avec notre paracha? Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que ça a à voir avec notre paracha ici? Vayu chaye Sarah. Peut-être qu'elle est partie plus tôt que prévu. Mais est-ce qu'elle est morte, que tu as posée, oui. Est-ce qu'elle est morte d'une maladie? Est-ce qu'elle est morte naturelle? Non, elle est morte d'une maladie. D'un chagrin? D'un chagrin, peut-être aussi. Rachid explique. C'est ça. Est-ce qu'elle Rachid est morte explique en... c'est un chagrin. C'est ça. Pourquoi? On veut savoir. Est-ce qu'elle est morte d'un chagrin? Ah ben, le chagrin qu'il allait sacrifier. De la peine, de la peine. Est-ce que... Il y a qui disent de choc. Ils disent aussi que peut-être que... Ils disent que aussi qu'Abraham est retourné avec Agar. Il est retourné avec elle. Après la mort de Sarah, il est retourné avec elle. C'est ça. Et il a même des enfants. Kitora, c'est ça, Kitora. Ouais. Et ces enfants-là, est-ce qu'ils sont restés, juifs ou... Non, pas du tout. Non. C'est écrit dans la paracha que ces enfants-là, ils ont été donnés. Ishmaël. C'est bon, Ishmaël. Non, c'était même pas des Ishmaëlim. Ishmaël, c'était Ishmaël. C'était Chinois. C'est ça, il y a des commentaires qui disent que c'était des Hindous. Ah ouais, c'est pour ça qu'ils disent. Le passage qui dit qu'il aura donné des matanotes. Il aura donné des cadeaux. C'est des cadeaux. Ils disent c'était quoi les cadeaux? Il aura donné des choses de sorcellerie qu'ils pouvaient utiliser, etc. Ils n'ont pas donné d'argent. Ils leur ont donné un bout de pain. Est-ce qu'un gars, quand il est retourné à Amgar, est-ce qu'il est retourné avec son enfant? Avec Ismaël? Hein? Il est retourné avec Ismaël? Qui? Amgar, il est retourné avec son fils? Qui? Quel homme? Agar. Oui. Oui. Mais d'ailleurs, le verset. Ah, il est retourné. Il est retourné avec ça. Et son fils était là. Est-ce qu'il n'y avait pas une compétition en Yitzhak? Abraham, il a divorcé. Et il a dit à son fils et la femme qui était là. Et elle a divorcé la première fois. Ouais. Mais c'est ça, parce que Ishmaël dans la paracha elle-même. La Torah a dit que Ishmaël il avait fait Tchouva. Ah oui. Oui. Ah, oui. Ishmaël il a commencé Il a fait Teshuva, c'est-à-dire Ishmael, quand tu appelles Teshuva, c'est-à-dire il est devenu juif, quoi. Ils disent qu'il vient de l'Ishmael, c'est ça. Il n'est pas juif. Tout le monde. Teshuva, ça veut dire comment se comporter mieux. Ok. Non, parce qu'on voit dans le verset lui-même qu'ils étaient ensemble. Quand ils sont venus enterrer Abraham, les deux, ils étaient ensemble. Isaac et Ismaël. Yitzhak et Ishmael. Du fait que le verset ramène Yitzhak avant Ishmael, on voit que Ishmael lui-même, il s'est rabaissé à Yitzhak et lui a donné son respect. Ah ouais. Mais est-ce que la continuation de Ishmael, c'était pas des grands tzadikim? Comment on sait? Et il avait deux enfants. Il avait deux enfants, mais Ishmael lui-même, il a fait le verset 10 qu'il avait fait, tu vois. Alors, concernant notre paracha, c'est écrit, on trouve dans le verset, il y a un très beau Or Haïm de Rabbi Chaim Ben Attar ici, qui explique les trois premiers mots de la paracha et les trois derniers. Dans les trois premiers mots de la paracha, c'est écrit Ve'yu Chaye Sarah. La Gemara a dit que à chaque fois que c'est écrit Ve'yu, c'est quelque chose de chez ma vie tsar. Kol makom shekatuv Ve'yu, chaque place que c'est écrit Ve'yu, c'est d'habitude une nouvelle de malheur. Comme on dit Ve'yi Bimer, bon, dans la Sechet Megillah, c'est écrit, c'est rapporté plusieurs exemples. À chaque fois que c'est écrit Ve'yu, c'est déjà. D'habitude, c'est quelque chose qui ramène un malheur. Vaïe bimé achashverosh, etc. La Gemara, elle rapporte plusieurs exemples. Alors, le Rochaïm l'explique que Vaïehu chaye Sarah, Vaïehu, c'est le tsa'ar que Sarah, elle a vu, les Issourim, le malheur que Sarah, elle avait quand elle a entendu que Abraham, il allait sacrifier son fils. Oui, elle était contente. Elle n'était pas contente. Il y a deux explications. Ouais. Il y a une explication qu'elle était contente, mais en même temps elle est morte. Parce qu'elle a entendu qu'Abraham, il a presque tué Yitzhak. Alors, c'est le Malach. Ça lui ramène. Hein? Le Malach. Il lui a parlé. Il a parlé c'est ça. Alors elle-même, elle a eu un très grand chagrin et elle était tellement. Le chagrin, elle est morte. C'est ça. Alors maintenant, la question qui se demande, est-ce que les morts avaient avant son temps? Non. Alors, le Rav Chaim explique deux explications. Une des explications qu'il rapporte, c'est que elle est morte à son temps. Oui, elle est morte à cause du chagrin de la Akeda, mais elle était morte à son temps. C'était peut-être la cause, mais les 127 ans, c'était ce que Hachem lui a donné comme vie. Une autre explication, le Or Haïm explique que non. Veyu chaye Sarah, veyu c'est la chaîne Havaya. Pas le nom d'Hachem, mais Havaya Hadasha. Il y a quelque chose de nouveau qui est arrivé. Quelque chose que différent. En vérité, Sarah, elle devait vivre, comme beaucoup des commentaires qui ramènent, qu'elle devait vivre même plus longtemps qu'Abraham. Parce que. Comme on sait que la prophétie de Sarah, elle était beaucoup plus grande que celle d'Abraham. Alors en vérité, elle devait vivre beaucoup plus longtemps. Et puisque, mais à cause qu'elle a eu ce chagrin, elle était morte. Et le Rochaïm, il continue, il explique, ça c'est Ve'ayu. Ve'yu chaye Sarah, excusez-moi. Ve'yu, ça c'est le mot Ve'yu. Les deux, c'est, la cause, c'était la Akeda de Yitzhak, qui lui a amené un chagrin. Mais une explication, c'est qu'elle est morte avant 100 ans, et une explication, qu'elle est morte à 100 ans. Maintenant, le Or Haïm, il continue, et il explique, c'est quoi Chaye Sarah? Dans les autres versets, on trouve que, quand on rapporte les années des Tzadikim, on rapporte les années qui sont rapportées dans la parasha, c'est écrit, ça aurait dû écrire, Yu Yeme Chaye Sarah. Qu'est-ce que ça veut dire, Yu Chaye Sarah? D'habitude, quand on dit, voilà les journées de la vie de Sarah. Elle a vécu tant et tant d'années. Voilà le temps qu'elle a vécu, 127 ans. Pourquoi le verset il change et il dit Vaïu Chaye Sarah? C'est intéressant qu'il y a tous ces changements spécifiquement dans les années de Sarah. Alors le Chaim il explique, c'est démontré, c'est quoi la vie d'un tzaddik? La vie d'un tzaddik, c'est pas ses jours. Qu'est-ce qui nous donne vie? C'est chaque jour qu'on se réveille, oui. Non. Bon, chaque personne comme nous, on se réveille chaque matin, une autre journée. C'est la journée elle-même qui nous donne vie. Il dit chez les tzadikim, c'est pas ça. Un tzadik qui passe une journée sans Torah et Maasim Tovim, c'est pas une journée pour lui. C'est pour ça le verset il dit Vayu Chaye Sarah. C'est que Sarah, elle donnait vie à ses jours. Pas Yemé Chaye Sarah. C'est pas que les jours de Sarah, c'était sa vie. L'Or Chaim explique la vie d'un tzadik, c'est que c'est lui-même qui donne la vie à ses jours. Parce que sans, ses jours, sans la vie du tzadik, sans le Torah et Mitzvot du tzadik, il n'y a pas de jour. Pour lui, une journée sans. Il y a une bracha qu'une fois, quelqu'un est parti chez un tzadik. Il lui a demandé un bracha. C'était une grande personne lui-même, c'était un grand rabbin. Et le rabbin lui a donné je te bénis avec l'envie. Mais il lui a dit mais fais attention. Il dit au tzadik, pas une vie d'une personne qui ne peut pas étudier, qui ne peut pas prier. Une vie pleine. Une vie d'un juif. Une vie de Torah et de mitzvot. Alors le Chaim il explique Vayu chaye Sarah, c'est que Sarah, elle donnait vie à ses jours. C'est pour ça que c'est écrit Vayu chaye Sarah et pas Vayimer chaye Sarah. Et le Chaim il continue, il n'a pas fini encore. Il dit selon notre raisonnement que Sarah, elle est morte avant 100 ans, elle avait encore des années à vivre. Oui. Alors, où est-ce que se trouvent ces années? Où se sont ces années? On aurait pu dire que ces années ont été données à quelqu'un d'autre, comme on a vu dans l'histoire avec Isaac, non? Comme l'histoire avec Bibi Barabaye. Bibi Barabaye, l'histoire avec l'ange, les années ont été prises de cette femme et ont été données à un autre ami Chacham. Ils ont été donnés à une autre personne pour étudier la Torah. Mais pour Sarah, on ne peut pas dire ça, parce que Sarah elle-même, c'était une grande tzaddik, c'était une tzaddika, oui. Alors le Chaim, il dit comme ça, la vie d'un tzaddik, c'est une vie complètement différente. Et je vais vous lire sans la chambre, parce que vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire qu'est-ce qu'il dit ici. Il dit que quand il vient d'expliquer le Shene Chaye Sarah, la fin du pasouk s'écrit Veyu Chaye Sarah Mea Shana Veshrim Shana Veshashanim Shene Chaye Sarah. Encore ça se répète. Qu'est-ce qu'on a besoin d'encore à la fin du verset? C'est déjà écrit. Les années de Sarah étaient 127 ans. Cela sont les années de Sarah. Pourquoi ça doit se répéter à la fin? On a dit déjà, c'est ça ces années. Alors il dit, Shene Chaye Sarah, ça veut lui m'expliquer quelque chose. Il dit comme ça, Leodia Mishpat Achesed Asher Ishpot Akash Bokhu Leididav. Ki Kol Tzadik Shelo Ishlim Yamav. Il vient, il dit, ça c'est, veut nous enseigner comment est-ce que Hachem, il fait un chesed avec le Tzadik. Comment est-ce que Hachem, il fait un chesed avec le Tzadik? Il dit, chaque Tzadik qui n'a pas complété ses années, comme Sarah. Les Siba Yedwa, Lo Igra Mishadzik Mashaya Marviach. Il dit que même le tzadik, si il meurt avant 100 ans, Hachem ne va pas lui prendre de son mérite. Ça veut dire que son mérite, il va continuer même après qu'il meure. C'est Ma'asim Tovim, hein? Non, dans ce monde. C'est comme si. Parce qu'on aurait pu dire, écoutez, Sarah, elle aurait pu vivre, on va dire, un autre. Si on vraiment on suit cette logique de dire que Avraham, elle aurait pu vivre plus qu'Avraham. Alors elle aurait pu vivre jusqu'à l'âge de 166 ans, 76 ans. Avraham, il est 175, voilà 176, 177. Elle aurait pu vivre plus de 50 ans, de plus. Alors imaginez tous les mitzvot qu'elle aurait pu faire pendant ces 50 ans. De plus. Alors en vérité, alors Sarah, elle peut venir et dire une ta'ana. Si moi je serais en vie, si moi j'aurais la vie, j'aurais pu faire beaucoup plus d'autres mitzvot. Et plus tard, elle va continuer à faire des mitzvot, il y aura une autre extension. Qu'est-ce que vous voulez dire? Parce que les mitzvot, oui, ils font une sorte d'ajouter des années. Oui. Comprends. Ça veut dire, elle aurait pu faire. Elle aurait fait des mitzvot. Il ne rajoute pas des années de mitzvot. Tu n'as pas des récompenses pour les mitzvot dans ce monde. Dans ce monde-là, il n'y a pas de récompense. Non, parce que tout à l'heure, tu as dit qu'elle est décédée à 127 ans. Et oui. Là, elle aurait pu rester 50 ans de plus, faire beaucoup de mitzvot. Elle aurait pu faire. Mais Hachem lui prend. Alors, Hachem lui prend ses années. Alors, Sarah, elle aurait pu dire simplement, Hachem, mon mérite, je dois avoir un mérite pour tout ce temps. J'aurais pu faire tellement d'autres mitzvot. J'aurais pu faire des mitzvot, j'aurais pu étudier la Torah, etc. Toutes ces belles choses. Et j'aurais eu un très grand sera. Elle a raison de ce qu'il dit. C'est ces années qu'elle avait, oui, qu'elle a perdu. Elle aurait pu faire des mitzvot. Ces mitzvot ont entraîné qu'elle aurait gagné encore d'autres années en plus. Non, c'est pas. Je sais que c'est pas ça qu'il avait dit. Non, mais c'est ça qu'il veut dire. C'est ça qu'il veut dire. Ouais. Ça veut dire qu'elle aurait gagné encore des mitzvot. Oui. Elle aurait pu faire ça. C'est dans ce monde. C'est dans. Non, mais quand Père Kavot dit que quand tu fais certaines mitzvot, ça te allonge la vie. Il y a certaines mitzvot. C'est ça. Peut-être qu'elle aurait pu faire certaines mitzvot. Il y a trois mitzvot. J'ai marié Miamav chez l'Adam. J'ai l'eau Haken, Kibou Davaem. Il y a un troisième. Avec l'oiseau, oui. J'ai l'eau Haken, Kibou Davaem. C'est tout. Il y a deux, c'est vrai. Non. Un aftacha. Alors voilà, donc. Un aftacha chez la Rikhout Yamim Betfilim. Si elle avait. Zdaka, c'est ça. Pendant cette période d'année qui lui manquait, si elle avait fait ses 3000 votes. C'est ça, ok. Elle aurait pu encore ajouter. Ok, alors ça renforcit ce qu'on est en train de dire, Khazak. C'est bon. Si elle aurait. Kibou Davaem, elle n'aurait pas pu faire. Elle n'avait pas de parents. Chez l'Oraken, quand même. Chez l'Oraken, sûrement, elle aurait pu faire. Et Zdaka, bien sûr, elle vient certainement. Ok, c'est bien. Alors. C'est justement, ça renforce notre question, qu'en vérité, Sarah, elle aurait pu simplement dire à Hachem, où sont mes années, dans les années. Exactement. Alors il dit que l'Oraken Hakadosh Baruch Hu dit, ça n'a rien changé pour le tzaddik. Chez le tzaddik, c'est différent. Une personne, si on prenait l'exemple de l'histoire de Rav Bibi Barabaye, c'est que les années ont été prises de cette personne, ont été données à une autre personne, et cette autre personne va faire de la Torah des mitzvot, et il aurait une petite récompense, au moins la moitié de cette récompense. Il dit chez le tzaddik, c'est complètement différent. Et certains tzaddikim. Le tzaddik, ça continue. Mais ça dit. Il n'y a pas. Chaneh Chaye Sarah. Certains tzaddikim disent je préfère être là-bas, de l'autre côté, que d'être en bas. C'est beaucoup plus. C'est vrai. En vérité, c'est comme ça. On trouve ça dans le Pirkei Avot. Dans le Pirkei Avot, il dit il y a deux Mishnah contradictoires là-bas. Il y a une Mishnah qui dit Tov sha'achad ba'olam hazeh bema'asim tovim ba'olam hazeh mikol chaya olam haba. Une heure dans ce monde, betshuva et ma'asim tovim, est mieux que tout le monde prochain. Une heure, sha'achad. Dans notre sens, on trouve que Tovim chayon alaba mikol chayon alamazé. Que le monde prochain est beaucoup mieux que de ce monde. Mais c'est d'un point de vue. Les deux, ils ont raison. Parce que du point de vue d'une mitzvah, pourquoi quand on rentre dans le Bet Almin, oui, si on a des tfilim, on ne peut pas rentrer avec des tfilim. Si on a des tzitziyot, on doit les rentrer. Pourquoi? Pour ne pas faire boucha la. Pourquoi? Parce que le mort, il est là-bas. Et il est un petit peu jaloux. Parce qu'il ne peut pas faire de mitzvot. Alors ce monde, il a un avantage que dans ce monde, on peut faire de mitzvot. On a mis dans le monde prochain, on veut mettre une tzitzit. On te dit, monsieur, excusez-moi, on ne peut pas mettre une tzitzit ici. On ne peut pas mettre de tefillin ici. On ne peut pas donner de la tzedaka ici. Ils ont la charte. Ça y est. On ne peut pas faire des mitzvot dans le monde prochain. Alors l'avantage qu'il y a dans ce monde, c'est que les Torah mitzvot, c'est dans ce monde. Mais non, concernant la récompense de tous les mitzvot, c'est dans le monde prochain. On te dit, le monde prochain, la récompense, elle est incroyable. On s'éclate. Dans la Kdusha, il y a de la Kdusha. On va s'asseoir avec mon cher Aben ou Avraham Avinu. C'est vraiment quelque chose de formidable. Mais alors, concernant la récompense, le monde prochain est mieux, mais concernant le travail, le service divin, c'est dans ce monde, c'est Torah ve Mitzvot. Alors, mais peut-être la question, peut-être se pose même pas, peut-être que Sarah, elle était d'accord de donner ses années. Puisqu'on voit déjà que Adam Arishan, il a donné des années à David Ameller, il a donné 70 ans de sa vie. Après, il a dit non. Il a regretté après. Il a regretté. Il a regretté, mais il les a donnés. Oui, il n'a pas. Mais il a regretté. Mais c'est ça le point. Le point qu'il a réalisé. Tu vas me dire que. Non, mais il les a donnés. Mais comment. Mais pourquoi. Non, mais pourquoi il les a donnés. C'est exactement. La Gemara, elle dit. Al-Korecha Atachai ou Al-Korecha Atamé. La Gemara, elle dit Al-Korecha Atachai. Encore c'est une contradiction. D'un côté, on te dit tu es obligé de vivre. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, la Torah nous explique que avant que la Neshama descende dans ce monde, tous les grands tzadikim viennent à la Neshama, ils la réconfortent, ils ont de la peine pour elle. Parce que la Neshama se trouve à côté de Dieu, avec tous les tzadikim. Et quand c'est une grande Neshama, la Neshama de Moshe Rabbeinu, elle vient. La Neshama de Rabbi Shimon Bar Yochai, elle vient, elle réconforte cette Neshama, elle va descendre dans ce monde. Pour la Neshama, c'est atroce de descendre dans ce monde. Parce que tout ce temps, elle est dans le palais du roi. Mais non, elle doit redescendre dans la jungle. Et le Yetzer Hara, le corps physique, la Neshama, elle n'a rien à voir avec toutes ces choses. Elle est complètement spirituelle, elle veut juste s'attacher à Dieu. Alors elle pleure. Et s'expliquer que tous les tzadikim pleurent avec elle. Et on lui dit Al-Korecha Atachai. Hachem, il veut. Le vouloir d'Hachem, c'est que la Neshama descende dans ce monde. Elle rentre dans un corps physique. Parce que juste dans un corps physique, on peut faire le vouloir d'Hachem. Le vrai vouloir d'Hachem, c'est avec en faisant des Torah Mitzvot. Le malar, tant qu'il est incroyable, il n'a pas une main pour mettre une filine. Et nous, on l'a, Baruch Hashem. Le malach ne peut pas mettre une tzitzit. Et nous, on peut mettre une tzitzit. Le malach, il ne peut pas donner la tzedaka. Nous, on peut le faire ici. Alors, on demande, ok, on oblige la Neshama à descendre dans ce monde. Alors, pourquoi on dit à Korecha Tamet? Maintenant, on t'oblige à mourir. Mais la Neshama va vous dire, mais je ne dois même pas m'obliger, je suis content de sortir. Mais on voit que le fait que chacun de nous aime beaucoup sa vie, Baruch Hashem, quand on va au Khitiamé ou Shalim Tovot. Mais chacun aime sa vie, il veut rester dans ce monde. Pourquoi? On vient de dire que la Neshama, elle ne veut pas même pas. A priori, elle ne veut même pas redescendre. Parce que en étant que la Neshama, elle est dans ce monde, la Neshama, elle sent l'avantage qu'elle peut avoir en étant dans un corps. Parce qu'avec son corps, elle peut faire des mitzvot. Et pour faire des mitzvot, on a besoin d'un corps physique. Ça soit n'importe quel niveau d'ange qu'on ait, le Matatron, le plus grand ange, il n'arrive même pas au petit pied de chaque juif qui fait une petite mitzvah. Parce que le petit juif, là, il fait une mitzvah, il met des tefilines, il fait des mitzvot. Et lui, il ne peut pas les faire. Pourquoi les malachim, ils étaient jaloux? Les anges, ils étaient jaloux quand Hachem, il voulait donner la Torah. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Tena odecha ala shamaim. Ta splendeur, ta Torah, donne-la ici. Qu'est-ce que tu as besoin de descendre ici dans un monde physique comme ça? Qu'est-ce que mon cher Rabbeinu leur a répondu? Est-ce que vous êtes descendu à Mitzrayim? Est-ce que vous avez un Yetzirah? Est-ce que vous faites ces mitzvot? Ils leur ont dit non. Alors, qu'est-ce qu'il leur a dit? Mais dans la Torah, c'est écrit Asher otziti chameretz Mitzrayim. Vous n'étiez pas en Égypte. Les petach hatat rovertes, vous n'avez pas un yitzhara, vous n'avez pas toutes ces choses, eh bien vous ne pouvez pas prendre la Torah avec vous. Alors ce que le roi Chaim il explique ici, la fin du verset quand c'est écrit Shene Chaye Sarah, que Sarah elle a donné Chaye Sarah, c'est Chaim, c'est quoi? Elle a donné la vitalité dans ces années. Que même les années qu'ils ont passées, même que Sarah les a perdus, c'est comme si elle était toujours dans ce monde. C'est comme si elle avait fait même tous les mitzvot qu'elle aurait pu faire, elle les a fait. Elle les a accomplis. Et Hachem ne les a pas pris de elle. Son sroud était toujours là. D'ailleurs, cette interprétation, elle complémente aussi ce que l'Or Hachem dit beaucoup plus tard. Dans le deuxième verset, on trouve que c'est écrit Vatame. Batamot Sarah Bekriat Arba ou Hi Chevron. Que Sarah, elle, est décédée à Kiryat Arba, qui est Chevron. Le Roi Chaim lui demande pourquoi on doit savoir où est-ce qu'elle est morte, premièrement. quelle différence ça fait, Kiryat Arba ou Hebron? Et deuxièmement, pourquoi on doit dire Kiryat Arba qui est Hebron? Mais ça suffit de dire Kiryat Arba, pourquoi Hebron? Ils ont changé de nom. Qui a changé de nom? Hebron, ça se trouvait dans Kiryat Arba. Non. C'est ça. Alors il est dit. Maintenant, on parle de l'époque. Oui. Maintenant, les noms ont été. Ah, ça se peut. Adaptés. Très bien. Alors pourquoi? Si encore plus, si c'est le même nom, si Hebron c'est Kiryat Arba, Kiryat Arba c'est Hebron. Qu'est-ce que ça change? Pourquoi le verset doit le mentionner deux fois, Kiryat Arba et Hebron? Alors Chaim il dit comme ça. Premièrement, Sarah n'est pas mort. Sarah n'est pas mort. Comment Abraham et Sarah et Yaakov? Ils ne sont pas morts. Parce que le tzaddik, il n'est jamais mort. Le tzaddik, il ne meurt jamais. Qu'est-ce que ça veut dire? Pas juste. Là, je vous parle, c'est un concept très profond, mais pas juste spirituellement. Physiquement, il est là. Il est là avec nous. C'est le Rachem qui le dit. Vous pouvez le lire, c'est très, très, très ouvertement, il le dit. D'ailleurs, la Gemara dans Maseret Ta'anit, elle demande, elle dit, Yaakov avinu lo met. Comme ça, la Gemara, elle dit, Yaakov avinu lo met. Oui, oui. La Gemara, elle dit, comment il n'est pas mort? Chanit ou Chantayou, ils l'ont embaumé, ils l'ont momifié, etc. Comment il n'est pas mort? On l'a vu. Il dit, Mazar o bachaim af ou bachaim. Ses descendants sont en vie et c'est comme s'il était en vie. Mais la Gemara continue et me dit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la Gemara explique là-bas que le tzaddik, il vit même dans un corps physique, oui, dans ce monde après la mort. Et il explique pourquoi on dit Kiryat Arba. Il y a quatre yesodot, comment on dit, des éléments, oui, qui font chaque chose dans le monde, le corps d'une personne est formé de quatre éléments. Il y a le afar, La terre, l'eau, ruach, l'air et le feu. Pourquoi Esh? C'est les quatre éléments. Quatre éléments de. Bon, dans une personne, c'est des choses qui sont. C'est pas physique, c'est pas du feu qui est du feu dans la personne, mais la chaleur dans la personne, ça signifie le feu. Le ruach, c'est le cœur, l'inspiration, etc. Chaque chose. Il y a quatre éléments. Même le bois, quand on brûle le bois, il y a le feu, le bois il devient du sang, il devient du afar, il y a de l'eau, la chlouchit, comment on dit, l'humidité. L'humidité. Chaque chose a ces quatre éléments, ça ne peut pas exister. Quand on dit Kiryat Arba, va t'amener Kiryat Arba. Kiryat Arba, c'est les quatre éléments qui sont sortis d'un échama de Sarah. Ça veut dire que Sarah, elle existait toujours. Mais c'est ces quatre éléments qui ont été Kiryat Arba, qui ont été séparés d'elle. Ces quatre éléments. Ça veut dire son gouffre. Son gouffre. Son corps. Mais il dit, mais hi Hebron, que Sarah elle était toujours connectée. Hebron, ça vient du mot chibour, qu'elle était connectée, qu'elle était toujours connectée à ce monde. Que même après qu'elle était morte, Sarah se trouvait dans le monde physiquement, de façon physique. Parce que les ma'asim de tzadikim, c'est éternel. On trouve une histoire incroyable dans la Gemara de... Combien de temps on a encore? Il y a du temps. Il y a une histoire incroyable dans la Gemara de... Dans la Gemara de Shabbat, Kufnun Dale d'Amudbet. Gemara avec Rabbi Oshaya. La Gemara raconte là-bas que Rabbi Nachman, il avait un champ. Et il devait creuser dans son champ. Il devait creuser. Et ils ont commencé à creuser. Et ils sont arrivés à un coffre. Et il y a quelqu'un qui a crié. Ah, partez d'ici. Les gens qui étaient en train de creuser dans le champ, ils ont eu peur. Ils ont couru vite chez Rabbi Nachman. Ils ont dit, il y a quelqu'un là-bas qui est enterré, et il nous a crié de partir d'ici. Bon, Rabbi Nachman, il vient à côté, il est mort, hein. C'est un cadavre qui se trouve là, il parle, le cadavre. C'est une marade, l'histoire dans la Gemara. Et il, alors Rabbi Nachman, il demande, qui va là-bas? Mise, qui tu es? Il dit, moi je suis Rabbi Hoshaya. Il dit, Rabbi Hoshaya. Il dit, mais tu n'es pas mort. Tu es dans la terre, dans un coffre. Il dit, oui, oui, je suis mort. Il dit, mais est-ce que tu as encore... ton corps, il est encore bien, il est... Il dit, oui, oui, mon corps, il est complètement... Intact. Intact. Il lui dit, je peux le sentir? Il dit, oui, bien sûr. Et il commence à le toucher. Et il voit, il y a de la chair. Il y a la peau et tout. Il lui dit, mais... Rabbi Marie, il a dit, mais afar batav el afar tacho. Ça veut dire que le corps, il va se décomposer, c'est impossible. Comment est-ce que toi tu es resté intact? C'est impossible. Il lui dit, c'est qui ce Rabbi Marie? Je ne le connais pas. Un animaj guiachbo. Je n'ai jamais entendu de lui. Rabbi Oshaya, c'était un grand. Il lui dit, oui, peut-être, mais le verset lui-même, il dit, mais afar batav el afar tacho. Tu es venu de la poussière, de la terre, et tu vas retourner à la terre. Il lui dit, ce verset-là, c'est écrit pour les gens... Normes. Ouais, les gens simples. Ça, c'est... Il lui dit, ouais, oui, mais comment est-ce que tu as gardé? Il lui dit, ce verset-là, aussi, il est gardé pour autant du Mashiach. Juste avant que Mashiach va venir, le Triat HaMetim... Alors même les tzadikim, ils vont retourner au Afar pour être mekayem, pour que accomplir ce verset, mais Afar batel Afar tachou, mais ils vont se ressusciter. Et alors il lui demande, mais alors pourquoi tu sors pas si tu es encore en vie, pourquoi tu te lèves pas de ta tombe? Il lui dit, mais je viens de t'expliquer. Juste au temps de Triat HaMetim, Hachem va ressusciter les morts. Nous, on n'a pas le droit de sortir d'ici. Mais notre corps, il est intact. Il est intact. Et on est là. Et on attend que le Mashiach y vienne. Quand le Mashiach va venir, il y aura un Triat HaMetim. Alors le Or HaIm, il dit, on voit de cette histoire, comment le tzaddik, il vit même dans un corps physique, dans ce monde, de façon qu'il se trouve toujours là. Il y a l'histoire avec Rabbi Yehuda HaNassi. C'est aussi une autre histoire très semblable. Rabbi Yehuda HaNassi, quand il revenait, après qu'il est décédé, il revenait des mois après qu'il est mort. Il revenait à la maison, il faisait kiddush pour lui et sa femme et ses enfants. Mais l'Allemagne a dit, mais comment ils ont entendu qu'il devait être exempté de la mitzvah? Il dit, oui, il a fait le kiddush, comme il faut, avec tout. Il était mort déjà 6 mois, 1 an, je ne sais pas combien de temps, il était déjà mort. Et il faisait un kiddouche pour sa femme et ses enfants. Mais d'ailleurs, on dit que Merab Tamarbella, personne ne rentre. Il y a eu des gens qui ont essayé de rentrer. Oui, vous connaissez l'histoire avec un enfant. Rabbi Avraham Azoulay. Wow, c'est une histoire... Non, on ne connaît pas ça. Et ça, c'est c'est une histoire incroyable, ça. On raconte. Mais on raconte... Voilà. Raconte. Moi, tu vois, là, j'étais Merab Tamarbella. Et quelqu'un qui est là-bas nous raconte qu'il y a une vingtaine d'années, une femme qui est descendue d'un puits là-bas, qui était une jeune fille. C'est ça, voilà. Et puis, il y a quelqu'un qui est sorti, lui a parlé, elle a eu peur, elle a eu l'air de sortir. Autant que Moshidayan a essayé d'ouvrir et de rentrer, mais ça n'a pas duré. C'est quoi cette histoire? Raconte. Non, c'est l'histoire. Vous savez l'histoire aussi du l'histoire avec le Khida, Rabbi David Azoulay. Bon, vous savez tous qu'ils l'ont ramené de l'Italie. Oui. Et ils ont dit que son corps il était intact. C'est Rabbi Mordechai Eliyahu Alav Shalom qui raconte l'histoire. C'est eux qui ont fait tout le mifta de l'amener de Livorno. Il était enterré à Livorno toujours. Et ils l'ont amené à Yerushalayim. Ils ont dit que son corps il était intact. Et le Khida, il a vécu il y a 250 ans. C'est quelque chose de... 250 ans, il a 250 ans. Il est décédé il y a 250 ans environ. Oui, il est entendu. Intact. Oui, il était intact. Mais il n'est pas mort à... Non, excusez-moi. Il y a 250 ans. Non, l'histoire avec Marat Amarpella, c'était avec son arrière-grand-père, Rabbi Avraham Azoulay, qui a écrit le livre Chesed le Avraham. C'était un grand Mekoubal. C'était Talmido chez l'Arizal. C'était les Talmidim, les étudiants du Arizal. Et lui, il habitait à Hebron. Rabbi Avraham Azoulay, à la fin de sa vie, il était au Maroc. Après, il est monté en Eretz Israël et il a vécu à Hebron. Quand il a vécu à Hebron, il y avait le Shamash. Non, il y avait une xéra, c'était bon, c'était un décret. Il y avait un décret, mais c'était le Mufti. Le Mufti de Hebron là, il a le Kaïd. Le gouverneur. C'est ça. Alors il a fait une xéra. Qu'est-ce qui est arrivé? Ce Mufti, il est rentré dans la Maharat Amarpella. Et il était. Il est arrivé, il voulait voir. Bon, vous savez, les Arabes, ils vont là-bas aussi. Il est parti voir la tombe d'Abraham. Quand il s'est rapproché, il a échappé ça. Il avait un. Saïf. Un saïf. Un couteau. Tout en or. Une petite épée, ouais. Là, qu'il mettait ici, tout en or avec des bijoux. Il a fait tomber en bas. Vous savez, vous étiez là-bas, il y a des gens qui étaient en bas. Voilà, vous pouvez pas toucher, c'est, vous regardez dans haut. C'est 13 mètres, je pense. C'est ça. Alors et c'est tombé, l'épée est tombée là-bas. Allez, il commençait à s'énerver, etc. Il a envoyé un premier avec une corde, il n'est pas remonté. Il est resté là-bas. Un après l'autre, un deuxième, un troisième, un quatrième, il voit. Chaque personne qu'ils ont fait descendre en bas, il n'est pas remonté. Bon, il a dit, il y a quelque chose ici. Qu'est-ce qu'ils font les Juifs? C'est tout à cause d'eux. Il commençait à s'énerver. Il a dit, si je ne reçois pas cette épée, il a fait un décret dans la ville, si je ne reçois pas cette épée, il y a juste les Juifs qui peuvent ramener cette épée. Si je ne reçois pas cette épée ce soir, on va punir les Juifs de la ville. Oh, Rabbi Avraham, personne ne voulait descendre. Tout le monde avait peur. Il y en avait quatre qui sont pas remontés. C'est évident que personne ne voulait descendre. Mais quand même, ils ont dit, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, ce Rabbi Avraham, il a dit... Bon, lui, il ne voulait pas descendre parce qu'il avait peur, parce que c'était un makom kadosh, il ne voulait pas descendre. Bon, en tout cas, le lendemain matin, le Mufti l'a attendu là-bas à Hebron, à la Maharat Amarpella, il a demandé, et Rabbi Avraham, il a dit qu'il allait descendre. La permission. Hein? Oui, il a dit, moi je vais descendre, je vais vous amener l'épée. Il est descendu, et quand il est descendu, il y a un Eliezer, le servant d'Avraham, qui l'attendait. Comme ça, il raconte. Eliezer qui l'attendait, il dit, qu'est-ce que tu fais ici? J'étais un peu choqué. Il a dit, je suis venu, voilà, il y a une xéra avec ce moufti là. Et il a échappé son épée. Il le reveut, il faut que je le ramène son épée. Sinon, il va faire, etc. Il lui a dit, voilà l'épée, mais sache que demain matin, tu vas être ici avec moi. Et comme ça, ça a été vraiment, il est remonté. Il lui a donné l'épée et le lendemain d'un matin, il est mort. Rabbi Avraham. Ça, c'est l'histoire. Exactement.